me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Pourquoi relier les modalités de l'évolution humaine au développement? Pourquoi s'est-on demandé jadis si l'homme était un mammifère néoténique? Quelles hypothèses peut-on tirer de l'évolution du cerveau chez l'enfant? Que nous apprennent les différences de sevrage chez la femme humaine et chez la femelle chimpanzé? Peut-on résoudre la question de la croissance somatique malgré la documentation lacunaire? La série de cours que Jean-Jacques Hublin, professeur invité au Collège de France, consacre à la première sortie d'Afrique dans le cadre de la chaire de paléanthropologie, s'achève aujourd'hui avant d'aborder lundi une nouvelle série autour de Néandertal et Denisovien. Dans sa présentation, le chercheur qui a créé et dirigé depuis 2004 le département d'évolution humaine à l'Institut d'anthropologie évolutive Max Planck de Leipzig en Allemagne explique « Dès la fin du XIXe siècle, une attention particulière a été portée par les biologistes à l'altération des processus de croissance dans l'évolution humaine. Les modèles théoriques de la néoténie et de l'hypermorphose se révèlent cependant trop simplistes pour expliquer l'évolution anatomique de l'homme. » Dans un article donné au Figaro en 2012, le chercheur remet en perspective. Depuis des centaines de milliers d'années, on observe chez l'homme une interaction constante entre l'apparition de comportements acquis, inventés, et des changements biologiques qui parfois en résultent, parfois en sont la condition. Les progrès de la paléanthropologie et de la génétique nous dévoilent chaque jour un peu plus de cette mécanique extraordinaire. Sur les apports de la révolution technique et de son équipe en particulier dans l'étude de l'ADN, il rappelle, et je le cite, que le séquençage du génome d'hommes fossiles, comme les néandertaliens, nous apprend que chez Homo sapiens, le cerveau est un point chaud du changement évolutif. Ce n'est pas vraiment une surprise si l'on considère l'importance grandissante de la technologie et de la complexité sociale chez l'homme moderne. Au cours des deux derniers millions d'années, l'augmentation en taille et en performance de notre cerveau n'a toutefois pas été sans problème. Jean-Jacques Hublin explique que ce cerveau est devenu un organe vorace en énergie et que la mise au monde d'enfants à gros cerveau est un casse-tête anatomique. Dès lors, continue-t-il, les trois quarts de notre croissance cérébrale se poursuivent après la naissance. L'environnement technique et social créé par l'homme lui permet d'avoir des nouveau-nés très immatures qui mettent de longues années à devenir adultes. En retour, la lente maturation d'un cerveau plastique dans un environnement plein de stimulation a augmenté encore ses capacités et rendu notamment possible le développement du langage. Alors que la femelle chimpanzé doit limiter les naissances et garder son petit près d'elle, la mère humaine doit sevrer rapidement son enfant et peut dès lors le confier aux adultes de son groupe qui vont l'aider à se développer. Et nous nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « La première sortie d'Afrique, l'évolution de l'enfance » le 25 novembre 2014. Pour cette rencontre, je voulais revenir sur certains points que j'ai évoqués pendant ma leçon inaugurale qui porte sur le développement et sur le fait que ce développement jouait un rôle important dans l'évolution des hominines, en tout cas l'altération de ce mode de développement au cours du temps semble avoir joué un rôle très important dans l'apparition de notre espèce. Alors le fait de relier les modalités de l'évolution humaine au développement, c'est une idée qui est très ancienne. Et en fait, tout au long du XXe siècle, on s'est interrogé justement sur l'importance de ces processus de développement. Avec en particulier une question, l'homme est-il un mammifère néoténique ? Alors ce terme de néoténique, on le doit à Julius Coleman, qui dès le XIXe siècle l'a créé pour décrire le développement de ce petit animal qui s'appelle l'axolotle, qui est un amphibien mésoaméricain. Et cet axolotle devient capable de se reproduire alors qu'il a conservé des traits juvéniles, et en particulier des branchies, comme les formes tout à fait initiales du développement des amphibiens. Donc à partir de cette époque, on s'est intéressé à ce phénomène de la néoténie dans le monde animal en général, et en particulier chez l'homme. Et tout au long du XXe siècle, plusieurs chercheurs ont mis en relation le développement d'une morphologie humaine avec l'idée que cette morphologie humaine, en fait, retenait quelque chose des formes immatures des grands singes. Donc cette photo, c'est une photo qui date de 1926, mais en fait, on a autour de cette époque différents chercheurs, en particulier un chercheur qui s'appelle Bolk, qui a beaucoup écrit sur cette question-là. Et tout au long du XXe siècle, la question a été reprise. Dans les années 80, un chercheur qui s'appelle Montagu, en particulier, a beaucoup élaboré là-dessus. Et puis, il y a eu dans les années, je crois qu'en 1977, un ouvrage de Stephen G. Gould, donc un chercheur, un écrivain, un naturaliste américain très très connu, qui était à Harvard, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelait Ontogeny and Phylogeny, où il a, en gros, élaboré cette notion que les hommes étaient néoténiques. Alors cette notion a été beaucoup discutée. Gould avait proposé dans son ouvrage des figures comme celle-là pour expliquer un petit peu comment il voyait les choses. Donc ce que vous avez ici, c'est une horloge qui vous donne la forme au cours du temps, la taille, et puis ici, cette barre en bas représente l'âge de la maturité sexuelle. Et donc, pour lui, les hommes se trouvaient dans une configuration comme celle-ci par rapport à un ancêtre hypothétique, c'est-à-dire qu'ils auraient retenu une forme juvénile, mais avec une taille évidemment adulte, et puis une maturité sexuelle qui était atteinte en conservant cette forme juvénile. Alors, d'autres chercheurs sont passés derrière, si je peux dire, et on critiquait cette idée-là. Et en particulier, McKinney et McNamara ont proposé qu'en fait, l'homme n'était pas néoténique, mais présentait ce qu'on appelle un phénomène d'hypermorphose. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'un petit peu différent de la néoténie. L'hypermorphose, c'est le fait, d'étendre toutes les phases de développement que l'on observe chez les primates, en leur donnant une longueur et une extension, une amplification bien plus grande. Alors en fait, cette idée d'hypermorphose, qui a été proposée donc par ces chercheurs dans les années 90, en fait, c'était une vieille idée d'un primatologiste qui s'appelle Schultz, qui dans les années 60 déjà avait mis l'accent sur le fait que lorsque l'on compare différents groupes de primates Et l'homme, eh bien, au cours de ce qu'il pensait être l'évolution des primates, on a une extension des différentes phases de développement, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence quand il y en a une, et puis enfin l'âge adulte, et puis la longévité en général de l'espèce. Donc c'est une idée qui a été, dès le départ, très soulignée par de nombreux scientifiques. Alors, dans la pratique, quand on regarde un petit peu de près les différents caractères, on se rend compte que ce soit la néoténie ou l'hypermorphose, sont des idées simples, et comme les idées simples, elles sont souvent séduisantes, mais malheureusement, la réalité est un petit peu plus compliquée que ça. Et dans une certaine mesure, la néoténie ou l'hypermorphose fonctionne, si je peux dire, pour certaines parties de l'anatomie humaine, en particulier le cerveau, le crâne, mais quand on regarde dans le détail, il y a d'autres aspects qui ne rentrent pas dans ce schéma-là. Alors, beaucoup plus près de nous dans le temps, une publication de 2009 par des généticiens de mon institut qui ont regardé l'expression d'un certain nombre de gènes impliqués dans le développement du cortex cérébral. Et ces chercheurs, en particulier en explorant le cortex préfrontal, ont montré qu'effectivement, lorsque l'on comparait l'homme au chimpanzé, et tous les deux à une forme supposée plus primitive comme le macaque, eh bien, on voyait chez l'homme un certain nombre de gènes qui semblaient s'exprimer de façon néoténique, tardivement et singulièrement pendant l'adolescence. C'est un point sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Mais vous voyez que dans ce schéma que j'ai tiré de leur publication, si effectivement il y a un certain nombre de gènes qui semblent néoténiques chez l'homme dans leur expression, eh bien, il y en a d'autres qui sont, si je peux dire, néoténiques chez le chimpanzé. Donc la situation est un petit peu plus compliquée que ça. Et puis, certains sont fait beau jeu de montrer qu'effectivement, si on appliquait strictement la néoténie ou l'hypermorphose à d'autres caractères, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc voilà un exemple un peu amusant qui vous montre ce que donnerait un être humain dans ses proportions corporelles s'il se développait strictement de façon néoténique. Hein. Donc il conserverait des proportions corporelles d'enfant à l'état adulte, c'est ce qu'on trouve chez Betty Boop, ou d'autres personnages de dessins animés, soit en passant. Et puis pour l'hypermorphose, pareil, si on étendait toutes les phases de développement connues chez l'homme en termes de proportions corporelles, on aboutirait à des adultes qui, bien évidemment, ne ressemblent pas à la réalité. Alors quand on regarde dans la pratique comment se fait le développement chez l'homme en comparaison avec un grand singe comme le chimpanzé, notamment en termes de masse corporelle et de taille, eh bien, on observe d'abord, et c'est quelque chose évidemment qui est bien connu, que les hommes grandissent beaucoup plus longtemps, donc ils mettent au moins 18-20 ans à atteindre leur taille adulte, un peu plus tôt pour les femmes que pour les hommes. Et puis, surtout, on a un découpage en phase de croissance qui est différent chez l'homme et chez le chimpanzé. Donc le chimpanzé, lui, devient adulte vers, disons, 13-14 ans, et c'est en général l'âge auquel il commence à se reproduire. Alors chez les grands singes, on a une phase qu'on va appeler l'enfance, durant laquelle les petits singes sont allaités par leur mère. C'est une phase qui dure assez longtemps. On va revenir sur la question du sevrage, mais le sevrage est assez tardif chez les grands singes. Et puis, à l'issue de cette phase, la denture permanente va se développer, enfin va venir à éruption hors des gencives. Et puis, on a un stade qu'on appelle juvénile, au-delà duquel la maturité sexuelle va se mettre en place, et puis on passe donc dans l'âge adulte. Chez les enfants, chez les enfants d'hommes, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a une petite enfance qui correspond à la période d'allaitement. Ensuite, on a une période pendant laquelle les enfants sont déjà sevrés, mais où ils n'ont pas immédiatement la denture permanente qui se met en place. Donc, au cours de la de la croissance humaine, il y a une phase de relatif ralentissement de la croissance qui est suivie au moment de l'adolescence d'une poussée très très rapide. Et là, la taille adulte va être atteinte très rapidement. Et puis ensuite, on a la maturité. Donc, une forme de croissance assez différente en termes non seulement de longueur, mais aussi dans la combinaison des phases lentes ou au contraire des phases rapides de croissance entre l'homme et les grands singes. Alors cette accélération au moment de l'adolescence, c'est une accélération dans les mensurations linéaires. C'est essentiellement la taille. On a fait valoir que si on prenait la masse corporelle, on verrait quelque chose d'un peu similaire peut-être chez les chimpanzés, en tout cas beaucoup moins de contraste entre hommes et chimpanzés. Alors évidemment, cet allongement de la croissance et puis la mise en place de ces différentes phases, c'est quelque chose qui est en grande partie lié à notre gros cerveau, à la difficulté de faire croître ce cerveau qui est un gros consommateur d'énergie, et donc tout un dispositif adaptatif, si je peux dire, s'est mis en place pour permettre la croissance de ce cerveau important. Et le premier de ces dispositifs, j'en ai déjà parlé, c'est le fait qu'à la naissance, le cerveau humain est proportionnellement relativement petit par rapport à sa taille adulte. Donc on a cette situation assez paradoxale. Le primate qui a le plus gros cerveau adulte, c'est celui qui proportionnellement a le plus petit cerveau à la naissance. Et donc le cerveau humain, même si en valeur absolue il est plus important que le cerveau d'un petit chimpanzé, eh bien, va mettre beaucoup plus de temps à atteindre sa taille adulte, environ 5 ou 6 ans au minimum pour atteindre une taille comparable à celle des adultes. Chez les grands singes, on a un accroissement beaucoup plus rapide et surtout le facteur multiplicatif entre la taille à la naissance et la taille adulte est beaucoup plus important chez l'homme que chez les grands singes. Et ça a de nombreuses conséquences, en particulier le fait qu'une grande partie de notre cerveau se développe, si je peux dire, dans le monde extérieur, alors que nous interagissons avec ce monde, nous interagissons avec d'autres individus, et une grande partie du câblage, en particulier de la matière blanche de notre cerveau, se met en place pendant cette phase prolongée de développement initial. Alors un autre dispositif qui permet, si je peux dire, de s'offrir ce grand cerveau, c'est le fait que, et c'est ça l'explication en partie de ces phases supplémentaires que l'on observe chez l'homme, c'est le fait que chez l'homme, on a une croissance qui est séquentielle. C'est-à-dire que, dans le fond, depuis la naissance, nous allons utiliser l'énergie d'abord fournie par notre mère et puis ensuite par l'alimentation que l'on nous fournit pour développer différentes parties de notre organisme de façon séquentielle. Alors le premier gros investissement, c'est le cerveau. Et cet investissement est tellement important au départ que, dans le fond, nous ralentissons les autres aspects de notre développement, et en particulier le développement somatique, c'est-à-dire le développement du corps. Donc, cerveau d'abord, ensuite la dentition, qui évidemment va jouer un rôle très important parce que nous avons ce sevrage qui est relativement précoce. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est offert un cerveau gros, presque terminé en tout cas pour ce qui est de sa taille, une dentition qui nous permet de nous alimenter, eh bien on va pouvoir investir dans le reste du corps, et on a donc un retard du développement somatique, et c'est la raison pour laquelle on a ce rattrapage au moment de l'adolescence. Et à la fin de cette croissance somatique vient la maturité sexuelle, qui est donc la phase finale de ce développement. Et cela, ça explique le fait que notre cerveau, donc, qui est un gros consommateur d'énergie, on l'a déjà dit, à peu près 20% du métabolisme basal d'un adulte, eh bien, quand on regarde la part d'énergie qu'il consomme au cours du développement de l'individu, eh bien, on se rend compte que, évidemment, on part d'un niveau assez élevé à la naissance, mais en fait, en valeur le pic de cette proportion du métabolisme basal qui est consommé par le cerveau est atteint aux alentours de 4 ans et demi, c'est-à-dire au moment où le cerveau a quasiment atteint sa taille adulte, mais où notre développement somatique est encore, si je peux dire, en sommeil. Alors le sevrage, comme je vous l'ai dit, est un sevrage qui est très précoce chez l'homme, ce qui évidemment, a priori, peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais vous allez voir qu'il y a une explication à ça. Donc on a un ralentissement général de toutes les phases de développement, mais un sevrage précoce. Alors ce sevrage, il varie énormément d'une population à l'autre, parce qu'il y a des tas d'aspects culturels, voire religieux, qui interviennent dans cette mise en place du sevrage. Le sevrage, c'est essentiellement le fait que l'enfant lui-même devient intolérant au lait maternel, et c'est quelque chose qui se produit chez tous les mammifères et qui probablement se produisait chez les petits chasseurs, les petits enfants de chasseurs-cueilleurs, avant que ne se produisent un certain nombre de mutations néolithiques qui nous ont rendus tolérants au lait, en tout cas pour une partie d'entre nous. Alors quand on regarde néanmoins l'âge au début et à la fin du sevrage dans différentes populations pré-industrielles, on voit qu'on tourne quand même toujours en moyenne autour des mêmes chiffres. Là, ce sont différentes études qui ont été réalisées sur un grand nombre de populations, et on a un début du sevrage, disons, autour de 6 mois à peu près, et puis une fin du sevrage entre 2 ans et demi et 3 ans. Je crois que la moyenne générale, c'est de l'ordre de 2,8 ans. Alors ça, ce sont pour des populations pré-industrielles actuelles. Maintenant, la question, c'est de savoir ce qui s'est passé dans le passé. Alors, dans le passé, comment est-ce qu'on peut établir l'âge du sevrage ? Vous souvenez que je vous ai expliqué que l'utilisation des isotopes stables du carbone et de l'azote était un moyen d'avoir accès à l'alimentation de populations du passé. Alors, en particulier, on s'intéresse beaucoup aux isotopes de l'azote. Pourquoi ? Parce que c'est l'isotope dont les proportions varient le plus lorsque l'on se déplace le long d'une chaîne trophique. C'est-à-dire que chaque fois qu'on passe d'une espèce végétale à une espèce animale, puis à une espèce animale qui elle-même se nourrit de l'espèce précédente, eh bien on a un changement, une valeur de plus en plus haute pour cet isotope 15 de l'azote. Et ça peut paraître un petit peu choquant, mais ce bébé, en fait, on peut le voir comme un prédateur de sa mère. En gros, il se nourrit de sa mère. Et donc, tant qu'il se nourrit du lait de sa mère, il se trouve dans une chaîne trophique au-dessus du niveau de sa mère. Et lorsque l'on regarde les valeurs de cette proportion d'isotope 15 de l'azote dans des tissus de ce petit bébé, eh bien, on va trouver une valeur élevée, une valeur de super carnivore. Alors, on essaie d'extraire des tissus, des molécules organiques des restes osseux qu'on trouve dans les gisements archéologiques, et la façon la plus simple de faire ça, ça a été initialement de regarder la proportion d'isotope 15 de l'azote que l'on avait dans le collagène des os. Donc ça, ce sont des études qui ont été menées déjà depuis pas mal d'années. Alors, le problème du collagène des os, c'est que le squelette, en fait, est remodelé constamment au cours de la vie. Et donc, évidemment, à moins d'avoir vraiment des ossements de petits-enfants, c'est très difficile d'utiliser le squelette des adultes ou même d'adolescents pour se faire une idée de l'âge auquel ils ont été sevrés. Enfin, en travaillant sur des enfants, on peut déjà obtenir certains résultats. Alors, quand on s'intéresse au tissu dentaire, c'est beaucoup plus, j'allais dire, clair, sinon facile. Pourquoi ? Parce que la dentine des racines osseuses et de la couronne, c'est un tissu osseux qui ne se remodèle pas. Donc, vos dents poussent, et une fois qu'elles ont poussé, eh bien, vous les avez, enfin, votre denture permanente, vous l'avez pour toujours. Seule chose qui peut lui arriver, ce sont des dommages. Éventuellement, vous pouvez les perdre, mais il n'y a pas de remodelage. Et donc, on peut, de la même façon que dans le squelette, on peut regarder les variations de ces isotopes de l'azote dans les tissus dentaires et dans la dentine. Et alors, une autre voie qui s'est développée plus récemment, c'est l'étude d'éléments traces, en particulier du barium et du strontium, qui viennent en substitution du calcium dans les mailles dentaires. Et là, on a affaire à des milieux, à des tissus qui représentent des milieux beaucoup plus fermés, beaucoup plus stables. Et en théorie, on peut se déplacer à l'intérieur d'une couronne dentaire et essayer de voir comment, au cours de son développement, ces éléments traces, donc barium et strontium, ont pu varier. Et toutes ces études, dans le fond, que l'on a appliquées jusqu'à présent essentiellement à des populations d'hommes modernes holocènes, c'est-à-dire de moins de 10 000 ans, eh bien, donnent des résultats qui sont très très comparables à ce que l'on observe dans des populations pré-industrielles. C'est-à-dire qu'on tourne toujours autour de moyennes de à peu près 2,8 pour la terminaison du sevrage, hein, donc entre 2 et 3 ans, plus près de 3 que de 2. Alors, chez les grands singes, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, évidemment, chez les grands singes, on n'a pas de données ethnologiques. Hein. Donc, on peut les observer, mais on ne peut pas les interviewer. Et le problème de l'observation des grands singes en captivité ou à l'état sauvage, c'est que c'est pas parce qu'on voit un petit singe qui semble téter les mamelles de sa mère qu'il absorbe beaucoup de lait, parce que évidemment il y a aussi une satisfaction, je dirais, psychologique qui peut jouer, et donc c'est très difficile d'avoir des données quantitatives. Alors on a utilisé le même genre de méthode que ce qu'on utilise dans les séries archéologiques, c'est-à-dire les isotopes stables, et voilà ici les résultats d'une étude qui a été menée par une de nos doctorantes assez récemment, Géraldine Failly, sur toute une série d'individus qui ont été observés à l'état sauvage et dont on a finalement récupéré le squelette après leur mort. Et il s'agit d'une population de chimpanzés sauvages de la forêt de Thaï en Côte d'Ivoire. Et elle montre très bien dans cette étude qu'on a un sevrage qui commence beaucoup plus tard que chez l'homme, parce que là, on a un sevrage qui commence autour de 2 ans, donc c'est beaucoup plus tardif, et qui s'étend couramment jusque vers 4 ans, voire parfois au-delà. Alors en passant, un des résultats tout à fait remarquables de cette étude, c'est qu'elle montre qu'il y a une différence d'investissement des femelles entre les petits mâles et les petites femelles, c'est-à-dire que les mères ont tendance à investir plus dans les individus, dans les petits mâles, que dans les petites femelles, donc elles les allaitent beaucoup plus longtemps. Alors le résultat de ce développement complètement différent entre grands singes et hommes a tout un tas de conséquences. Les grands singes, donc avec leur sevrage très tardif, ne connaissent pas des fratries comme ça, très nombreuses, d'une même mère qui grandissent ensemble. Hein. Les mères chimpanzés ou les mères orang-outans, qui sèvrent leurs petits encore plus tard que les chimpanzés, ne laisse pas d'autres individus adultes les toucher ou s'en occuper. Et évidemment, chez les hommes, c'est très différent parce que non seulement les mères laissent d'autres adultes approcher leurs petits, mais elles s'en montrent en général très satisfaites, et surtout, les autres adultes du groupe vont, grâce à ce sevrage précoce, pouvoir contribuer à l'alimentation de ces petits en plein développement. Et donc, une mère peut, si je peux dire, passer à un autre enfant assez rapidement, avec un intervalle de naissance beaucoup plus court que ce que l'on observe chez les grands singes, parce que le père, le grand-père, la grand-mère, les autres adultes du groupe, grâce au fait que l'enfant n'est plus allaité, vont pouvoir contribuer à son alimentation. Et donc, on a dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs ou de chasseurs-collecteurs, on a des transferts très importants de nourriture entre individus, notamment entre individus adultes et enfants. Et on observe aussi que, ce qui confirme bien l'interprétation évolutive que l'on fait de ce phénomène, lorsque l'on regarde comment varie l'intervalle des naissances dans différentes populations en fonction de la contribution des hommes à l'alimentation des enfants, eh bien on voit qu'il y a une corrélation assez forte entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, plus les hommes peuvent contribuer à l'alimentation des enfants, et plus cela permet de raccourcir l'intervalle entre deux naissances pour la mère, et donc d'avoir une fécondité supérieure. Et évidemment, toutes ces adaptations qui s'ajoutent les unes aux autres ont aussi une influence sur notre développement psychologique. Pourquoi ? Eh bien parce que les enfants ont des frères et sœurs, il faut qu'ils fassent avec, et surtout, il faut qu'ils continuent à garder l'attention des adultes, de leur mère et aussi des autres adultes, pour qu'ils s'occupent d'eux. Et donc, les hommes, dès le départ, apprennent à créer du lien social et à, si je peux dire, attirer l'attention d'autrui et garder l'attention d'autrui. C'est quelque chose qui est beaucoup plus développé chez les hommes que chez les grands singes. Alors, pour en finir avec le développement chez l'homme moderne, je vous rappelle que, au-delà de la croissance en taille du cerveau qui se termine vers 5-6 ans, eh bien, il y a une longue période de maturation pour le cerveau humain, avec une synaptogénèse qui se prolonge pendant l'enfance et qui, jusqu'à l'adolescence, montre des modifications, des réaménagements, notamment avec une réduction du nombre de synapses au moment de l'adolescence. Et donc ça doit vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'expression de ces gènes qui étaient retardés chez l'homme, enfin, de ces gènes qui sont impliqués dans le cortex, dans le néocortex chez l'homme, qui sont retardés par rapport à ce que l'on observe chez les grands singes, eh bien, c'est probablement ces phénomènes-là qui sont en jeu, puisqu'on observe effectivement une différence entre le cortex préfrontal et puis d'autres parties du cortex cérébral. Et puis on a un phénomène un peu du même genre avec la myélinisation, c'est-à-dire ce gainage par des lipides, des fibres qui relient les neurones entre eux dans le néocortex, avec un prolongement très important de ce phénomène, non seulement dans l'adolescence, mais même au début de l'âge adulte, chez l'homme, alors que chez les grands singes, c'est quelque chose qui se termine à la puberté, qui est beaucoup plus précoce chez un chimpanzé que chez un homme. Et donc tout ça, ça nous donne beaucoup de temps pour nous adapter à une société, à un environnement culturel et technique complexe, beaucoup de temps pour apprendre, et puis une grande capacité d'adaptation. Le Collège de France et France Culture vous présentent le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, la première sortie d'Afrique, l'évolution de l'enfance. Alors, si on essaie de regarder dans le registre fossile comment ces différents caractères humains de la croissance et du développement se mettent en place, eh bien, en fait, c'est essentiellement avec les australopithèques et puis avec quelques espèces du genre Homo que ces questions ont réellement pu être discutées. Et en particulier, dans le genre Homo, c'est essentiellement Homo erectus, les Néandertaliens, et les premiers hommes modernes qui ont été étudiés de ce point de vue-là, essentiellement en raison du matériel qui est disponible. Alors, l'étude du développement, et surtout de la vitesse du développement chez les fossiles, c'est assez difficile. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, eh bien, on n'a pas eu de chronomètre, si je peux dire, pour mesurer le temps de développement, c'est-à-dire, en pratique, l'âge à la mort d'individus jeunes, voire adultes. Alors la première méthode qui a été utilisée, ça a été de regarder les phases de développement, de calcification et d'éruption dentaire. Ça, c'est quelque chose qui est très connu chez l'homme actuel, qui est utilisé par les anthropologues, qui est utilisé en médecine légale. Et donc, on sait, par exemple, que la première molaire vient éruption autour de 6 ans. Et on a des tables qui donnent pour toutes les dents, déciduales et permanentes, des temps moyens pour différentes étapes de la formation de la couronne et de la racine, puis de l'éruption de la dent. Et on peut utiliser ces tables pour les appliquer à des formes fossiles. Enfin, vous voyez immédiatement que c'est un raisonnement complètement circulaire, parce que, évidemment, si on imagine une espèce fossile qui grandirait beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement qu'un homme actuel, eh bien, ce n'est pas l'utilisation de standards actuels qui va nous permettre de le mettre en évidence. La seule chose qu'on peut réellement mettre en évidence avec ce genre de méthode sont des différences dans la séquence d'éruption. Et vous avez ici en particulier une comparaison entre ce que l'on observe chez l'homme et ce que l'on observe chez le chimpanzé. Vous voyez en particulier que chez les chimpanzés, les molaires viennent se forment et viennent à éruption beaucoup plus tôt que chez un homme. Et ça, évidemment, c'est à mettre en relation directement avec la vitesse de développement somatique qui est beaucoup plus grande chez les chimpanzés, et aussi le fait que la maturité sexuelle, qui coïncide généralement avec la mise en place de la troisième molaire, vient beaucoup plus tôt chez les grands sages. Alors, si vous regardez cela dans le détail, vous verrez que on peut voir aussi, indépendamment de la vitesse générale de l'éruption dentaire, quand on regarde l'ordre de calcification et l'ordre d'éruption dentaire, on voit des différences entre hommes et grands singes, notamment quand on compare les incisives et la première molaire. Donc chez les hommes, la première incisive permanente et la première molaire viennent à éruption à des âges assez proches. Chez les grands singes, il y a une différence assez forte entre les deux. Et donc, quand on regarde dans la documentation fossile, on va voir des différences un peu du même genre chez les Néandertaliens, par exemple, où la séquence est un petit peu différente de ce qu'on observe chez les hommes modernes. Alors, ce genre de méthode a été utilisé pour essayer de mettre en évidence un mode de développement plutôt de type grand singe ou plutôt de type homme chez les Australopithèques. Et en particulier, dans les années 80, quand on a commencé à utiliser des scanners à rayons X pour explorer le matériel fossile, eh bien, il y a eu un certain nombre d'études chez les Australopithèques qui, en gros, ont montré que chez Australopithecus africanus, on avait un mode d'éruption dentaire, un mode de formation et d'éruption dentaire qui était plus de type grand singe que de type humain. Et donc, les auteurs de ces travaux ont conclu à l'époque que probablement aussi la vitesse de développement était plutôt une vitesse de développement de type grand singe qu'une vitesse de développement de type humain. Mais ça restait difficile à prouver. Et c'est seulement quand on a commencé à sérieusement étudier les microstructures dentaires qu'on a pu résoudre ces questions-là. Alors, ces microstructures dentaires, c'est quoi ? Eh bien, ce sont ces structures d'accrétion que l'on observe à la surface des couronnes dentaires, lorsqu'elles sont peu usées, et puis aussi à l'intérieur de la structure de l'émail et des racines dentaires. Donc ça, c'est quelque chose de très, très schématique, mais disons qu'en gros, l'émail dentaire se forme par une succession de couches d'émail, et on peut essayer de déterminer la périodicité de ces couches, et donc de se faire une idée de la durée de formation d'une couronne dentaire. Qui plus est, entre ces stries assez, j'allais dire, grossières, qu'on appelle les stries de Retzius, quand elles viennent à la surface, on les appelle des périchymacies, on a observé que le long des prismes d'émail dentaire, on observait des séries de petits étranglements qui créaient une zonation plus fine entre les stries de Retzius. Alors, des données essentiellement expérimentales ont montré que ces stries plus fines que l'on trouvait, qu'on appelle des striations transversales, que l'on trouve entre les stries de Redius, ce sont des structures qui se mettent en place sur un mode journalier. Donc c'est probablement lié à des variations physiologiques liées au rythme, à l'alternance de jour et de nuit, qui, au cours de la croissance, donnent naissance à ces striations transversales. Les stries de Redius sont un petit peu plus mystérieuses, si je peux dire, puisque quand on compte ces striations transversales, on trouve chez l'homme une périodicité qui va en gros de 6 à 10 jours, avec, disons, la plupart des gens sont plutôt autour de 7 jours, 8 jours, donc en gros une semaine. C'est un petit peu difficile de comprendre pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que chez un individu, c'est quelque chose qui ne varie pas, c'est-à-dire qu'on va retrouver la même périodicité dans tous les tissus dentaires d'un même individu. Et puis, de plus, au sein de ces microstructures, on peut trouver des marques de stress. Un petit peu comme dans les stries d'accroissement d'un arbre, on peut voir parfois marquer un hiver très rigoureux, un été très sec, qui va se manifester par une espèce de petit accident dans le développement des stries d'accroissement. Eh bien, chez l'homme, si on regarde, par exemple, un germe dentaire d'une première molaire, eh bien, on observe qu'à peu près 3 semaines après le début de la formation de ce germe dentaire, eh bien, on a une ligne très marquée. Et cette ligne, en fait, c'est une ligne qui correspond au jour de la naissance, qui est un jour de stress, évidemment. Et on a donc un espèce de temps zéro. Et à partir de ce temps zéro, eh bien, on peut compter les stries de Redius, si on a de la chance, les striations transversales, se faire une idée précise du temps de développement d'une couronne dentaire. Et lorsque l'on va trouver d'autres marques de stress qui correspondent à d'autres épisodes au cours de la vie de cet individu, eh bien, on va pouvoir comme ça corréler le développement de différentes dents d'un même individu, et donc, au final, compter en jours, parfois, la durée de sa vie jusqu'à sa mort, s'il est mort avant que sa denture ne soit complètement formée. Alors, ces méthodes ont été utilisées de plus en plus sur des fossiles, et on s'est rapidement rendu compte que, effectivement, on ne pouvait pas utiliser des standards modernes de calcification et d'éruption dentaire pour établir l'âge à la mort d'individus. Alors, dans les débuts des années 2000, donc c'est pas très très vieux, on a publié pour la première fois une étude de ce genre sur des formes anciennes du genre Homo, et en particulier Homo erectus. C'est notre collègue Chris Dean de Londres qui a publié cette étude dans Nature. Et donc, Chris Dean a étudié en particulier un Homo erectus que je vous ai déjà montré, qui est cet adolescent de Nariokotome, au Kenya, à l'ouest du lac Turkana. Et donc, il a montré que quand on regardait le temps de formation de l'émail dentaire chez cet Homo erectus, mais aussi dans d'autres individus, en particulier de Java, eh bien, on avait des temps de formation de l'émail dentaire en termes d'accumulation de ces structures d'accrétion qui rentraient plutôt dans la variation de ce que l'on observait chez les grands singes que de ce que l'on observait chez les hommes. Et depuis, il y a eu nombreuses études qui ont été faites. Alors, sur des Homo erectus, aussi sur des Néandertaliens, sur des hommes modernes anciens, et on a pu, comme ça, comparer l'âge qui était obtenu avec ce comptage des microstructures, avec l'âge apparent, qui était soit l'âge donné par les tables d'éruption dentaire, soit l'âge que je vais appeler l'âge somatique, c'est-à-dire l'âge qui correspond à la maturation du squelette, la taille, le degré de fusion des épiphyses squelettiques en particulier. Et pour ce qui est des néandertaliens, donc qui sont des formes plus tardives, eh bien, on a pu montrer qu'on avait une différence très importante entre les stades d'éruption, le stade d'éruption dentaire observé et puis l'âge réel que l'on pouvait obtenir en comptant ces microstructures. Je vous montre en particulier deux exemples qui ont été abondamment commentés. Il s'agit d'un enfant néandertalien découvert en Belgique dans la grotte de Skladina. Et cet enfant néandertalien qui a une deuxième molaire qui est déjà presque à occlusion, donc qui devrait avoir autour de 10 ans et demi, 11 ans, eh bien, en fait, est mort autour de 8 ans. Et on a une situation un petit peu du même genre avec un individu plus avancé en âge qui est ce, entre guillemets, adolescent du moustier, où là, on a une denture qui est beaucoup plus avancée avec une troisième molaire, donc une dent de sagesse qui est en cours d'éruption. Donc c'est un individu auquel on avait attribué un âge autour de 16 ans. Eh bien, encore une fois, les microstructures dentaires donnent plutôt un âge autour de 12 ans. Donc vous voyez que lorsque l'on compare la relation entre ces deux âges, l'âge réel et puis l'âge prédit par l'éruption dentaire, eh bien, si on a une bonne correspondance pour des hommes actuels ou des Homo sapiens fossiles, eh bien, dès que l'on regarde des Homo erectus ou des Néandertaliens, on a une forte différence qui montre donc qu'on a, en tout cas pour la denture, un développement beaucoup plus rapide chez ces formes fossiles. Et en fait, c'est seulement avec les premiers représentants de notre propre espèce que l'on va trouver un mode de développement dentaire qui est réellement comparable à ce que l'on observe dans des populations actuelles. Alors maintenant, si on s'intéresse à la question du sevrage, parce que c'est quand même une question importante, vous avez vu que non seulement l'âge du sevrage est très différent chez les grands singes et chez les hommes, mais surtout que cet âge du sevrage est lourd de conséquences, notamment en ce qui concerne la possibilité pour une femme d'avoir plusieurs enfants qu'elle élève en même temps et d'avoir une contribution des adultes, singulièrement des mâles adultes, dans l'alimentation de cet enfant. Alors, on a utilisé deux voies essentiellement avec les fossiles pour étudier le sevrage. Alors d'abord, quelque chose qui est un petit peu indirect, on observe parfois, à la surface de l'émail dentaire, des défauts qui se produisent, qui forment des espèces de lignes à la surface de l'émail dentaire, et ce sont ce que l'on appelle des lignes d'hypoplasie. Il semble qu'à un moment donné, au cours du développement, probablement en raison de carences alimentaires ou d'autres stress biologiques, eh bien, l'émail ne soit pas formé de façon tout à fait normale. Et donc, on a souvent lié l'existence de ces lignes d'hypoplasie à la période du sevrage. Et lorsque l'on regarde où se trouvent dans la denture ces lignes d'hypoplasie, eh bien, on peut avoir une idée peut-être de l'âge du sevrage. Vous voyez que c'est quelque chose quand même d'assez indirect. Alors le problème avec cette méthode, c'est qu'initialement, elle a été utilisée en combinaison avec ces tables, ces standards modernes de calcification et d'éruption dentaire. Et donc, on a obtenu des âges qui étaient, j'allais dire, assez discutables. Mais depuis qu'on est capable de regarder les microstructures dentaires, donc maintenant, on essaie de mettre en relation ces hypoplasies avec, j'allais dire, l'âge véritable des individus et puis un temps de développement réel. Alors, pour ce qui est d'Homo erectus, les mêmes auteurs qui ont étudié les microstructures de l'adolescent de Nariokotome ont obtenu un développement de ces lignes d'hypoplasie plutôt entre 3,3 et 4,2 ans. Donc un âge, alors eux, ils attribuent ça au sevrage, hein, un âge qui est intermédiaire, en fait, en ce que l'on a observé chez les grands singes et puis chez l'homme actuel. Et puis des travaux du même genre chez les Néandertaliens, eux, au contraire, ont donné des âges qui sont comparables à ce que l'on observe chez l'homme actuel. Alors, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, peut-être pas très surprenant, ce sevrage relativement précoce chez les Néandertaliens, puisque les Néandertaliens ont eux aussi un cerveau très gros, comme l'homme actuel, ce qui n'est pas le cas des Homo erectus. Alors il y a une autre voie qui a été suivie, qui est une voie, alors là, chimique. Vous vous souvenez qu'on peut regarder la présence d'éléments de trace, enfin la quantité de certains éléments de trace, comme le strontium ou le barium, dans les tissus dentaires. Et donc là, l'idée, c'est d'aller regarder dans les mailles dentaires, alors toujours pareil, en relation avec ces microstructures dentaires, pour essayer de voir si on a un enrichissement de ces éléments de trace. Et en particulier, il y a une publication récente qui est sortie, qui a tenté d'appliquer cette méthode sur le même petit néandertalien belge que je vous ai montré tout à l'heure, et qui aboutit quand même à un âge de sevrage très très précoce, puisqu'il est de l'ordre de 1 an et demi. Alors évidemment, le risque avec ce genre de méthode, c'est qu'il faut être sûr que ce strontium, ce barium qu'on trouve dans les dents, c'est pas quelque chose qui est, j'allais dire, qui vient de l'environnement, qui vient de la diagénèse, hein, c'est-à-dire des processus de fossilisation, et c'est donc quelque chose qu'il faut contrôler. C'est une méthode qui est potentiellement, j'allais dire, très prometteuse, mais qui demande encore à être testée. Alors pour ce qui est du cerveau maintenant, rapidement, eh bien, lorsqu'on regarde ces mêmes espèces, eh bien, on observe chez Homo erectus un mode de développement du cerveau qui est intermédiaire en ce que l'on observe chez les grands singes et chez l'homme actuel, c'est-à-dire qu'il y a une proportion beaucoup plus grande de la taille adulte qui est acquise précocement, par exemple chez ce petit Homo erectus qui est mort autour de 1 an. Alors évidemment, cela, ça suggère que, avec une croissance plus rapide et puis surtout un développement cérébral beaucoup plus accéléré, eh bien, on a une réduction des temps d'apprentissage et une réduction de cette maturation et de cette adaptabilité du cerveau qui caractérise l'homme moderne. Chez les Néandertaliens, la situation est beaucoup plus proche de ce que l'on observe chez l'homme actuel. Alors on peut regarder à différents âges, enfin, en fonction du matériel fossile que l'on a, la proportion de la taille adulte du cerveau qui est présente dans certains individus. Et donc là, on a quelque chose qui recouvre très largement ce que l'on observe dans des populations actuelles. Ou on peut regarder la taille de ce cerveau en proportion non pas de la taille adulte, mais de la taille à la naissance. Et là, ça suggère quand même que les Néandertaliens ont, sans être aussi différents des hommes modernes que les Homo erectus, quand même un développement cérébral plutôt dans la tranche supérieure de la variation moderne, donc légèrement accélérée. Cette petite différence que l'on observe entre hommes modernes et Néandertaliens, donc cet allongement encore plus grand du développement cérébral chez l'homme moderne, on peut certainement le mettre en relation avec des changements morphologiques, des changements structurels du cerveau, et notamment le fait que, au cours du développement cérébral de l'homme moderne, se mettent en place des caractères qui les différencient des hommes modernes, des néandertaliens, excusez-moi, et qui aboutissent à une forme beaucoup plus globulaire du cerveau que ce que l'on a chez les néandertaliens. Et on sait que la mise en place de ces caractères se fait pendant la première année de développement, c'est-à-dire qu'en gros, les hommes modernes ont ajouté au pattern primitif de développement que l'on observe chez de nombreux hominines et chez les grands singes, et que les hommes modernes ont conservé, ils ont ajouté une phase de développement pendant la première année de la vie, et probablement l'ajout de cette phase a abouti à un allongement un peu plus important du temps de développement. Alors, dernière chose que l'on peut regarder à propos de la croissance, c'est la croissance somatique. Donc on a parlé des dents, on a parlé du cerveau, mais maintenant il faut parler du reste du corps. Alors, c'est une question qui est très importante, mais qui est très difficile à résoudre. Pourquoi ? Parce que très souvent, Le matériel fossile dont on dispose, ce sont des mandibules, des maxillaires, sur lesquels on peut parfois étudier ces microstructures dentaires, mais on a très rarement le reste du squelette pour mettre en relation donc ce développement dentaire et puis le développement somatique. Alors, on a quand même quelques individus, pas beaucoup, qui nous permettent de discuter cette question-là. Alors d'abord, on a avec Homo erectus quelque chose qui est tout à fait intéressant parce que on a une espèce qui morphologiquement ressemble beaucoup à un homme, mais qui a un temps de développement qui est beaucoup plus proche de celui des grands singes, et puis peut-être, très probablement, aussi un séquençage de ce développement qui est très différent de ce qu'on observe chez les hommes actuels, avec probablement des mères qui s'occupent beaucoup plus longtemps de leurs petits, qui n'ont pas des fratries importantes dont elles s'occupent, avec probablement peu de contributions des autres adultes à l'alimentation de ce petit, et puis un petit qui devient indépendant très rapidement, peut-être et même probablement sans montrer cette espèce de retard de développement puis d'accélération à l'adolescence que l'on observe chez les hommes modernes. Donc, j'allais dire, un paysage très différent de ce qu'on observe chez les hommes actuels. Alors, avec les Néandertaliens, on a quelque chose qui est très différent de ce qu'on a observé chez les Homo erectus, c'est que cette fois-ci, le développement somatique de ces individus, en termes de taille et puis en termes aussi de maturation squelettique, correspond de façon assez exacte à ce que nous donnent les microstructures dentaires. Donc on a une avance, si je peux dire, du développement dentaire, des éruptions dentaires, mais en gros, jusqu'avant l'adolescence ou autour de l'adolescence, la croissance somatique semble assez comparable à ce que l'on observe chez l'homme actuel. Simplement, à cause de l'éruption beaucoup plus jeune des troisièmes molaires, on pense que ces Néandertaliens, probablement, en fin de croissance, atteignaient une maturité sexuelle, une fin de croissance somatique et une maturité sexuelle de façon beaucoup plus rapide que chez les hommes actuels. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Jean-Jacques Hublin, La première sortie d'Afrique, l'évolution de l'enfance, le 25 novembre 2014. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Il donne en ce moment sa troisième année d'enseignement et je vous invite à vous connecter à l'agenda du Collège de France. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « Paléanthropologie du genre homo » et avec Bernard Seitre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité et à Boris Boutleroff. Lundi, nous retrouverons Jean-Jacques Hublin pour une nouvelle série de cours sur Néandertal et Denisovien, la diversification du Pléistocène moyen. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.